Par la pointe de ma plume, je transcris la souffrance des gamins qui n'ont rien eu pour la Noël. Écrire ces quelques lignes, c'est comme poster la même lettre depuis des années, sans que le courrier soit acheminé au Père Noël. Une brioche, une orange donnée à l'école. Après, tu me diras que la vie est rose comme Barbie fait son shopping. Ça me fout les boules de voir des familles dans la misère. Même pas un verre de coca pour s'évader dans les bulles pétillantes. Ce soir, la hotte est vide, les flocons tombent par milliers, mais pas les paquets cadeaux. Ce soir, encore une fois, les enfants ont le teint livide, rien sur le traîneau. De leur baie vitrée, on aperçoit les voisins qui déballent leurs cadeaux. Le petit François cache pas sa joie quand il trouve un téléviseur, une voiture téléguidée dans le second paquet. Hallucinant, même le chien a le droit à son os emballé. Pour la mère, c'est une bague en or 32 carats qu'elle se voit offrir malgré son infidélité toute l'année. Maintenant, il est l'heure de mettre les pieds sous la table. En entrée, il y a du saumon, du véritable caviar. Ensuite arrive le coco vin, etc. À table, ils parlent de leurs problèmes pécuniaires, de leurs placements boursiers, alors que d'autres ne peuvent que rêver. Étoiles brillent dans le ciel comme des milliers de diamants jusqu'au firmament. Il serre fort sa sœur dans ses bras, les larmes de joie malgré tout ça. Le père absent depuis si longtemps leur manque plus qu'un visage, presque comme un mirage. Demain c'est le boulot, encore un fardeau. Chaque jour c'est pareil, t'as fait pour l'oseille, c'est sans regret. Ce fut une bonne soirée, chez les François on danse, son beau on ne voit rien. On n'imagine même pas que la vie puisse être comme ça. Y'a pas le choix, chacun suit la voie. Ici tout un prix, si certains l'ignorent, d'autres subissent leur sort comme une maladie. Il est l'heure de se coucher dans cette famille. Le courant va bientôt se couper, tandis que chez les François, toute la maison est éclairée. Le Père Noël passera pas, il est l'heure de faire sa prière. S'évader quelques instants, oublier le gris du quotidien, la souffrance dans son cœur. Il va offrir un cadeau à sa mère qu'il affectionne tant. Il n'est plus un enfant, il n'a pas choisi l'uniforme d'ouvrier qu'il porte aujourd'hui. Un salaire de misère pour des journées d'ennui. Jeune adulte malgré lui, ni haine ni jalousie survivent comme toujours. Ses pensées croulent sur les pourquoi, même s'il garde la foi.